Chapitre 7. L'indice de l'album. L'aube blanchissait à peine et les premiers moineaux préludaient dans les arbres au réveil tintamarresque de leur petit peuple lorsque Lionel de Praz rentra. C'était, nous le savons, son heure. Et si sa cousine Gilberte eût été par hasard éveillée dès l'aurore et qu'elle eût eu l'idée de s'accouder à sa fenêtre pour goûter le charme du jour naissant, elle n'aurait rien trouvé de suspect à ce que le jeune viveur terminât sa journée quand la plupart des hommes commençaient la leur. Ce qui l'eût surprise, pourtant, c'est que, au lieu de se diriger vers l'office pour y boire quelques mélanges rafraîchissants et mousseux, Lionel, marchant très droit, pénétra dans la bibliothèque, consulta le catalogue et choisit sur les rayons plusieurs livres récemment reliés. Il les dissimula sous son pardessus, comme s'il eût craint qu'on le rencontrât chargé d'un si noble fardeau, et enfin monta vers sa chambre avec des précautions inusitées. Madame de Praz l'entendit cependant. Elle avait l'oreille fine et le sommeil léger, et puis, toute la nuit, bien qu'elle eût dormi parfaitement, une idée n'avait cessé d'occuper les profondeurs de son subconscient. L'idée que Lionel et Aubry surveillaient l'hôtel de Jean Mareuil. Que faisaient-ils? Que découvraient-ils? Rien, peut-être. Et cette idée-là avait fait, dans les ténèbres de son repos, le tic-tac assourdi d'un réveil matin. Et elle s'était mise à sonner bruyamment, l'idée, à l'heure matinale où rentrait Lionel, porteur d'un secret ou d'une déception. Une tentation violente poussait Madame de Praz à sortir du lit, enfiler un peignoir, ouvrir sans bruit la porte de sa chambre. Ce fut cette porte à ouvrir qui l'empêcha de satisfaire sa curiosité. Madame de Praz se sentait maladroite dans la science des cambrioleurs. La serrure pouvait cliqueter, les gonds gémir, le bois craquer. Ces sonorités insolites retentiraient furieusement dans le silence du petit jour. Elles éveilleraient sans doute Gilberte, qui reposait à quelques mètres de là. Et Madame de Praz, comme Lionel, comprenait la nécessité de ne rien faire qui pût risquer de mettre sa nièce en défiance. Il fallait, au contraire, s'ingénier à maintenir toute chose en l'état habituel. Une imprudence pouvait tout perdre, car Gilberte était une de ces petites filles volontaires qui épouseraient un homme pour la seule raison que leur famille s'y oppose. Et Madame de Praz ne se faisait pas d'illusions à ce sujet. Pour ruiner les espérances de Jean Mareuil, c'est dans le cœur même de Gilberte qu'on devait faire naître la décision souhaitée. Il était nécessaire qu'elle se sentît jusqu'au bout, libre d'agir, parfaitement indépendante. Si l'on ne parvenait pas à la placer devant un fait qui provoquât en elle un complet revirement, il était inutile de chercher à l'influencer. Ah non, pas d'imprudence, pas de visite à Lionel avant l'heure normale, pas de porte qui grince sournoisement aux premières clartés du levant. D'ailleurs, Madame de Praz se souvint fort à propos que Gilberte devait sortir à cheval sur le coup de 9 heures. La veille, Jean Mareuil avait organisé cela, car il possédait un délicieux cob irlandais, sage, bien mis, l'idéale monture pour une jeune fille. On avait convenu qu'à 9 heures tapant, il amènerait le cheval à Gilberte et que tous deux feraient un bon tour au bois avant le déjeuner. Pendant cette promenade équestre et sentimentale, Madame de Praz et Lionel auraient tout le temps de s'entretenir. Aussi, méditant et ruminant dans sa tête grise toutes sortes de conjectures et de manœuvres, Madame de Praz atteignit l'heure habituelle de son lever. Elle apporta une espèce de dure coquetterie à ne pas la devancer et, jouissant, non sans mysticisme, de la contrainte qu'elle s'imposait, cette femme, étrangement maîtresse de soi-même, se fit une obligation de prolonger sa toilette plus longtemps qu'à l'ordinaire, ayant senti que sa nature avait besoin d'une leçon et sa patience d'un exercice. Comme elle entrait dans son cabinet de travail, un bruit de chevaux martelant le pavé se fit entendre à la porte de l'hôtel. Le portier ouvrait la grille à 2 battants et Jean Mareuil entra, monté sur un cheval bai et suivi d'un lad également à cheval qui tenait en main un cob destiné à Gilberte. Jean Mareuil mit pied à terre, ainsi que le lad, et se dirigea vers le perron. « Eh !» murmura Madame de Praz, « quelle heure est-il donc ? 8h30 ?» Mais Jean Mareuil s'était arrêté. Gilberte l'interpellait joyeusement d'une fenêtre du premier étage. « Vous êtes en avance. »« Pardonnez-moi, les chevaux étaient prêts, moi aussi. Je m'ennuyais. »« C'est gentil. Contente, vous savez. Bien dormi ?»« Admirablement. » »« Attendez-moi au salon, voulez-vous ? Je vais me dépêcher. Dans 20 minutes, je descends. » Madame de Praz se disposait elle-même à passer au salon pour recevoir Jean Mareuil lorsque Lionel se présenta devant elle. « Une seconde, fit-il, j'ai vu Mareuil arriver, alors j'ai descendu vivement pour vous dire, il y a du nouveau, je voudrais être plus certain que je ne le suis. Enfin, je crois préférable de vous mettre au courant de ce que je sais, de ce que j'ai vu. Ce n'est qu'un commencement, mais qui promet. » Il ne s'était pas couché et n'avait même pas pris la peine de passer quelques vêtements d'intérieur. Madame de Praz dit seulement « Vite !»« C'est formidable, entendez-vous ? » fit Lionel, qui la fixait en riant d'un rire mauvais. « Formidable !» Madame de Praz ne sourcillait pas, mais sa bouche dégustait fébrilement le bonbon acidulé d'un plaisir pervers. « Vous savez ce que c'est qu'un dédoublement de la personnalité ?» reprit Lionel, qui ricanait toujours. « La conscience alternée, vous connaissez ça ?» Mais Madame de Praz, franchissant toute explication, allait droit au but. Son visage incertain reflétait une joie et un ébahissement sans pareil. « Non ? » questionna-t-elle avec véhémence. « Jean Mareuil ?»« Comme je vous le dis, maman. Alors, vous savez ce que c'est ?» J'ai vu jouer le procureur Hallers. Moi aussi, et c'est ce qui m'a permis de comprendre tout de suite. Seulement, ne nous emballons pas. Quand je vous aurai raconté, vous verrez que nous avons encore beaucoup de travail. Je devine, je flaire tout un mystère dont nous profiterons sans doute. Mais pour le moment, je ne sais qu'une chose, c'est que, cette nuit, Jean Mareuil est sorti de chez lui sous l'apparence d'un pâle voyou et qu'il est resté plusieurs heures absent. « Le ciel nous comble !» dit Madame de Praz en frémissant. « J'ai voulu vous prévenir immédiatement avant que vous revoyiez Jean Mareuil. Tu as bien fait. Et maintenant, si vous m'en croyez, allez le recevoir. Dès qu'il sera parti, nous reprendrons cette conversation. Moi, je ne me montre pas, je ne suis pas présentable. Mais je serai tout de même curieux de voir sa figure après ce qui s'est passé cette nuit. Quelle tête peut-il faire ? Attendez, par la porte vitrée, nous devons trouver le moyen de l'apercevoir sans être vu. C'est toujours une épreuve intéressante, dit Madame de Praz. Essayons. L'hôtel n'était pas de construction récente. Il avait été édifié sous le Second Empire, à une époque où les architectes trouvaient encore naturel de laisser, au cœur d'une maison, un couloir obscur. L'un de ces couloirs longeait le salon. Pour l'éclairer, M. Guy Laval avait eu recours au seul expédient possible, faire vitrer la porte de communication. Moyen de fortune et médiocre solution, car ce vitrage à petits carreaux, donnant sur des ténèbres, n'avait rien d'agréable pour qui se trouvait placé dans le salon, encore que la porte, assez reculée, passa plus inaperçue qu'on s'ingéniait à la masquer au moyen de hautes plantes vertes. Ce couloir d'ombre, tapissé d'une épaisse moquette, offrait aux indiscrets les plus grandes facilités. Madame de Praz et son fils s'y avancèrent à pas feutrés. Le salon leur apparut derrière les vitres, à travers les feuilles d'un palmier. Jean Mareuil était assis dans la clarté d'une fenêtre. Il avait pris sur une table l'un des albums de photographie qui l'encombrait et il en tournait les pages lentement. Ses traits étaient parfaitement reposés. Le teint clair, l'œil limpide, il donnait l'impression d'un sportman très en forme et qui vient de se lever après avoir dormi 10 heures, sans rêve et d'une seule traite. Bien placé, joliment éclairé par le jeune soleil, mince et gracieux dans son costume de cheval, Jean Mareuil avait l'air de poser devant un peintre d'élégance. On croyait bien sentir que ce galant homme était doué d'une distinction innée, dont il semblait ne pas pouvoir se départir, même quand il était seul, même s'il se fût trouvé dans les circonstances les plus misérables ou les plus critiques. Et pourtant, Lionel se rappelait l'apache, et devant ce second visage du même homme, à l'heure où ce Janus vivant lui montrait sa face lumineuse après lui avoir laissé entrevoir sa face sombre, une stupeur étrangement puissante s'emparait de lui. Cette stupeur, il avait éprouvé déjà, brusquement, lorsque Jean Mareuil s'était montré, cette nuit même, sur le balcon de son cabinet. Mais, depuis ce moment, Lionel avait lu des livres. Il savait à présent quel mystérieux problème, quelle monstruosité psychologique constitue un dédoublement de personnalité. Et, loin d'avoir puisé dans les études scientifiques cette sorte d'apaisement que le savoir procure, il n'en avait retiré qu'un surcroît de malaise et d'ébahissement. À cette heure, il doutait de ses sens, de sa mémoire, de sa raison. Madame de Prades, qui n'avait pas de s'étonner des motifs aussi nets, puisque ses yeux n'avaient rien vu, s'aperçut la première d'une particularité assez remarquable. Jean Mareuil, en effet, ne regardait pas les photographies de l'album à la façon d'un homme désœuvré qui occupe son attente. Il les examinait avec beaucoup d'attention, une à une. Et, à mesure que cet examen se prolongeait, on pouvait observer sur sa physionomie les marques de plus en plus visibles d'une profonde et soucieuse contention. Un travail intime se faisait en lui. Ses sourcils froncés, la fixité de son regard, ses lèvres serrées et mordillées, tout dénotait le penseur anxieux d'une recherche et qui, dans la brume de son cerveau, poursuit un souvenir en fuite ou une explication qui se dérobe. Il ferma l'album, le rejeta parmi les autres, sur la table, et se mit à marcher lentement, de ci, de là, toujours plongé dans sa méditation. Enfin, il eut un geste, comme pour chasser une hantise harcelante, se rassit dans un fauteuil, tapota sa botte du bout de son stick, avec indifférence. Madame de Prades jugea qu'il était temps de se montrer. Elle entra donc, tandis que Lionel se retirait. Madame de Prades n'aimait pas les propos futiles. Jean Mareuil put se convaincre qu'elle désirait profiter de ce tête-à-tête. « Monsieur, lui dit-elle ensuite de quelques phrases banales, je suis bien aise de pouvoir vous parler en l'absence de Gilberte. Je vous en prie, tâchez de la décider à revoir Luversy. Aidez-moi, vous qui avez sur elle tant d'influence. Aidez-moi à vaincre cette appréhension maladive. » Cela n'a pas de sens commun. Je vous suis tout acquis, chère madame, mais laissez-moi le temps, voulez-vous? Je ne crois pas que les phobies de ce genre puissent disparaître du jour au lendemain, et, à mon humble avis, il faut y apporter beaucoup de patience. Je m'y emploierai de tout mon cœur. Si vous saviez ce qu'est Luversy, monsieur, je suis certaine que votre éloquence se ferait plus convaincante. C'est pitié de courir les palaces quand on pourrait goûter le charme d'un séjour aussi aimable. Vous serait-il agréable de le connaître? Lionel vous conduirait. » Que Madame de Prades eût une arrière-pensée en faisant cette proposition, la chose était possible. Jean Mareuil ne parut pas le soupçonner. Il répondit sans empressement « Si vous le désirez, chère madame. » Pourtant, fit Madame de Prades avec un sourire, « J'avais cru comprendre, hier, que vous seriez heureux, vous aussi, de vous mettre à la recherche de la vipère. »« Non, dit-il, j'ai réfléchi à cette histoire après vous avoir quitté. De tout ce drame, à mon avis, il ne reste qu'une crainte enfantine dans un esprit de jeune fille. Une crainte qui se dissipera avec le temps si ceux qui aiment Mademoiselle Gilberte savent aider le temps. J'estime d'ailleurs que, la vipère ayant certainement quitté ce bas monde, la recherche serait non seulement vaine, mais encore nuisible. Mademoiselle Gilberte ne pourrait voir dans cette entreprise qu'une justification à sa folle terreur. Et si elle devait considérer ma visite à Luversy comme une manière d'enquête, un début d'exploration, il serait évidemment préférable que nous y renoncions. Mais à son insu, pardonnez-moi, mais je répugne déjà à lui cacher quoi que ce soit. Et puis, si elle apprenait cela, si elle s'imaginait qu'à son insu, je fouille les bois de Luversy, Quel effet désastreux! Rien ne pourrait davantage renforcer sa croyance que le serpent existe encore. Non, laissons ce projet pour le moment, madame. » Un certain étonnement perça dans l'attitude consentante de madame de Praz. Elle allait se dire, pourtant, tout à fait d'accord avec Jean Mareuil. Elle allait se dire, pourtant, tout à fait d'accord avec Jean Mareuil, quand Gilberte parut, bottée, éperonnée, cravatée de blanc jusqu'aux oreilles et solidement coiffée d'un chapeau d'homme. Quelques minutes plus tard, les cavaliers franchissaient la grille. Madame de Praz, restée dans le salon, s'approcha de la table et s'empara de l'album que Jean Mareuil avait si attentivement, si ardemment compulsé. Cet album contenait toutes les photographies qu'on avait faites jadis de Madame de Laval. Il y en avait des quantités. On la voyait de page en page, tantôt seule, tantôt mêlée à des groupes d'amis, ici jouant au golf, là au tennis, plus loin conduisant son poney favori. Souvenirs de voyages, de bals costumés, de parties de campagne, ces clichés formaient un recueil mélancolique et précieux, une collection inestimable de reflets. La vie familière de la charmante jeune femme s'y reproduisait en ses journées les plus heureuses, ses tableaux les plus riants ou les plus pittoresques. Alpiniste, chasseresse, chauffeuse, pierrette de carnaval, reine de comédie, mariée blanche au bras du marié noir, maman qui berce sa petite Gilberte, élégante qui rit sous un chapeau coquet, silhouette debout devant les pyramides ou la Giralde, Madame Laval survivait, multipliée, dans ce reliquaire sinistre qui figeait pour l'éternité les attitudes de sa grâce et les gestes de son passé. Quoi ? C'était cet album qui avait provoqué chez Jean Mareuil une émotion si ostensible ? Madame de Praz fit un effort pour bien se rappeler l'expression du jeune homme. Elle l'analysa dans sa mémoire et conclut que Jean Mareuil avait eu l'air de quelqu'un qui, en présence des portraits d'une même personne, se souvient sourdement de l'avoir rencontré, se demande en quelle occasion et ne parvient pas à se répondre à lui-même. En toute autre circonstance, une telle conjecture, car ce n'était, à tout prendre, qu'une simple conjecture, n'eût pas impressionné Madame de Praz. On comprendra qu'il en fut autrement à l'heure où elle venait d'apprendre qu'un dédoublement affectait la personnalité de Jean Mareuil. Suprêmement intriguée, elle fut saisie de l'âpre désir d'en savoir davantage et ressentit une évidente satisfaction à voir son fils pénétrer dans le salon. « Tu sais ce qu'il regardait tout à l'heure ?» lui dit-elle. « Les photographies de ta tante !» Lionel, à peine entré, s'arrêta tout d'une pièce, appuyant sur sa mère un regard aigu. « Causons, reprit-elle, mettons un peu d'ordre dans nos affaires. En détail, cette nuit, qu'avez-vous vu, Aubry et toi ?» Il le lui dit et ajouta « La bibliothèque n'est pas très riche en bouquins de médecine. » Cependant, j'ai trouvé quelques traités qui m'ont suffisamment instruit de ce phénomène qu'on appelle dédoublement de la personnalité. Il arrive qu'un être humain se dédouble, c'est-à-dire qu'il soit tour à tour deux êtres très différents l'un de l'autre, deux êtres souvent contraires qui ne se connaissent pas et n'ont entre eux que des communications imperceptibles. Parfois, l'être second n'apparaît que de temps en temps dans l'existence de l'être premier. Parfois, il apparaît périodiquement, à jour fixe, à heure fixe, et disparaît de même. La seconde personnalité peut ne se manifester ainsi que pendant quelques instants. Elle peut, au contraire, gagner de l'importance, s'approprier, par exemple, le quart ou la moitié de la vie du sujet. Enfin, on cite des cas où elle a fini par tuer complètement la personnalité originelle, si bien qu'un homme, envahi par ce deuxième état, devient alors progressivement un individu nouveau, dont l'âme ne ressemble en rien à son âme primitive. Tu ne m'enseignes pas grand-chose. En somme, c'est l'histoire vraie du banquier Williams, et c'est aussi l'histoire scientifiquement inventée du procureur Hallers. Le premier est devenu intégralement un autre homme. Le second, imaginé par Lindau, après des observations savantes, fut, selon lui, magistrat pendant le jour et voleur pendant la nuit. C'est bien cela. Taine, Azam, Dufay, Ribot sont d'accord sur tous les points. Si vous voulez, je vous ferai lire leurs ouvrages ou leurs articles. Vous y verrez 100 exemples pour un de consciences alternées, analogues au cas Williams ou au cas Allers. À proprement parler, c'est une maladie de la personnalité. Madame de Praz réfléchit durant quelques secondes. Et tu dis, n'est-ce pas, que les deux moi s'ignorent, que par conséquent, les deux mémoires restent séparées, que les souvenirs de l'homme numéro 1 ne sont pas les souvenirs de l'homme numéro 2. C'est la règle, encore qu'on soupçonne qu'il puisse se produire entre les deux mémoires certaines fissures, donnant lieu à des réminiscences confuses, à de vagues suggestions. « Eh eh !» fit Madame de Praz en jetant un coup d'œil vers l'album. Mais elle se rembrunit. « Tout cela, dit-elle, est séduisant, mais nous voguons en pleine hypothèse. Tu as vu Jean Mareuil sortir de chez lui et rentrer chez lui sous les traits d'un rôdeur de nuit. Bien, qu'est-ce qui te prouve qu'il s'agit d'un dédoublement de la personnalité ? Il a pu se déguiser purement et simplement. » Ce serait, en tout cas, dans un but suspect. Mais écartez cette idée, maman. Il suffit d'avoir observé sa démarche, et surtout sa figure, pour être convaincu qu'il ne peut pas être question d'un déguisement. Seul un monstrueux prodige pathologique est susceptible d'expliquer une semblable transformation. Soit, mais alors, le hasard vous a-t-il permis seulement d'assister à une scène exceptionnelle qui ne se répétera pas, sinon je ne sais quand ? Ah, voilà bien la question, et c'est ce que nous allons savoir. Vous pensez que toutes les nuits, notre surveillance s'exercera étroitement. Madame de Praz réfléchit de nouveau. Une maladie, prononça-t-elle méditativement. Une maladie de l'esprit ? Mais sais-tu que cela ne suffirait pas à détourner Gilberte de ce garçon ? Elle a si bon cœur. Elle parlera de soins, de traitements, de guérison. Bast, il y a la manière de présenter les choses. On n'épouse pas un voleur ou, qui sait, un assassin. Et si un voleur ou un assassin est considéré comme ayant agi sous l'empire d'un trouble mental, on l'enferme dans un asile au lieu de l'enfermer dans une prison. On n'épouse pas un fou. On peut l'aimer, le soigner, on ne l'épouse pas. Nous verrons la suite, reprit Madame de Praz. Pour le moment, suivons la piste, nous ne pouvons mieux faire. Et qui vivra, verra. Mais rien n'est sûr. Il est toujours bon d'avoir deux cordes à son arc. J'ai un projet que je mûris depuis 2 ou 3 jours. Pendant la brève conversation que je viens d'avoir avec Jean Mareuil, j'ai tenu à suivre certaines lignes de conduite. Je ne l'abandonnerai pas, c'est plus prudent. Dans le cas où ta découverte ferait long feu, je ne me repentirai pas d'avoir préparé une autre offensive. Laquelle ? Ne t'embarrasse pas de mes petites combinaisons, va. Tu as bien assez d'affaires avec ta surveillance. Et puis, c'est une idée de femme que j'ai, une idée de maman. Laisse-moi faire toute seule. Lionel la contemplait en hochant la tête, avec une malice teintée, malgré tout, d'admiration. « Toujours la même, semblait-il penser. « Rends-moi cette justice, dit-elle, que je ne me suis pas trompée. Il y avait un mystère dans la vie de Jean Mareuil. Ses rêveries, ses absences, ses distractions. Tu vois. Oui, c'est l'autre, c'est la pâche qui t'inquiète ténébreusement. » Aussi est-ce ma certitude que les fêtes de cette nuit doivent se renouveler fréquemment. C'est terrible tout de même, un mystère, avoir dans sa propre vie un mystère, le seul peut-être qu'on ne puisse soi-même déchiffrer. Ses lampes, ses clés, cette soif qu'il a de connaître et d'apprendre, est-ce que cela ne vous semble pas affreusement comique ? Il touchait, en effet, aux ombres les plus redoutables de la nature et qu'on ne peut sonder, quelque âme que l'on ait, sans frémir. Un silence tomba, leurs yeux plongés dans l'inconnu des choses.